Chapitre 3e, le défi. Ayant ainsi pris ses mesures, Armand s'endormit du lourd sommeil de midi qui vous accable dans les pays chauds et vous jette dans une torpeur sans rêve. Vers 3h30, le jeune homme sentit sur sa figure une fraîcheur délicieuse qui chassait le sang de son front. Il ouvrit les yeux. Devant lui se trouvait l'éventail à la main, le majordome, qui en ingénieux italien, se servait de l'éventail pour éveiller le jeune homme. « Vous m'apportez une réponse, maître Paolo ?» demanda Armand, qui s'étirait paresseusement, ébahi à se démonter les mâchoires. « Oui, signor, » fit le majordome. « Les deux chevaliers sont dans la joie. Ils vont avoir l'honneur de se présenter ici vers 3h30. Vous avez le temps, si vous le voulez, de vous jeter dans une voiture, de prendre un bain et de revenir frais et dispo vous habiller ici. » « Vous pensez à tout, maître Paolo. » Armand fit appeler une voiture. Une heure après, en effet, frais et dispo, ils recevaient la double visite attendue. Ils avaient bon et intelligent visage, tous deux. Ils gagnèrent la confiance d'Armand. « Parlez-vous français, messieurs ?» demanda le jeune homme. « Oui, monsieur, » répondit Frémente. « Veuillez donc vous asseoir, je vous prie, » dit Armand, offrant des chaises. Et en riant, « Je vous reçois bien mal. » Mais je suis ici pour si peu de temps que j'ai pris le premier appartement libre dans ce que l'on m'a dit être le premier hôtel de la ville. Ici, le lecteur nous permettra d'ouvrir une parenthèse et de lui dire qu'Armand avait pris un faux nom pour la circonstance. Il s'appelait en Italie Lucien Raymond. Monsieur le Noël s'était qualifié Toussaint. Fernande se nommait Louise. Mais le lecteur nous saura gré, pour ne mettre aucune confusion dans le récit, de garder à tous nos personnages leur véritable nom. Armand aborda son sujet. « Messieurs, le chevalier Nello, votre ennemi, paraît-il, s'est permis d'envoyer à ma sœur un bouquet et un sonnet. Je trouve que ce gentilhomme est fort impertinent. Et si vous partagez mon opinion, je vous prierai d'être mes deux témoins contre lui. Pour mon compte, fit Belgioso, j'accepte avec le plus grand plaisir. Moi aussi, dit Frémente. Nous devons cependant, observa Belgioso, vous avertir que ce Nello est d'une telle force à l'épée que ne pas se battre avec lui n'est point considéré comme une lâcheté. Il tue tout le monde. Le provoquer, dit Frémente, c'est se montrer téméraire et jouer sa vie à 99 chances contre 100. Oh, fit tranquillement Armand, je blesserai ou je tuerai ce bretteur. Les deux amis se regardèrent. La calme assurance de ce jeune homme produisait sur eux un effet profond. Armand reprit. « Ne savez-vous pas, messieurs, où je pourrais rencontrer ce soir ce chevalier ? Mais j'ai la marquise de Mélac-Capo. Je n'ai pas l'honneur de la connaître. Nous pouvons vous présenter. Elle nous y autorisera très certainement. Vous voudrez bien alors, messieurs, me prévenir et je me tiendrai à votre disposition. Nous à la vôtre et de grand cœur. À quelle heure dois-je aller à cette soirée ? Demanda Armand. Vers 10h, si vous le voulez bien. J'irai prendre l'un de vous chez lui, si vous le permettez, messieurs. Je crois, dit Frémente, que Belgioso étant au mieux avec la marquise, c'est à lui qui est réservé l'honneur de vous conduire au palais des Medacapo. Vous, chevalier, dit Armand à Belgioso, vers 10h, je passe chez vous. Et il ajouta, je partirai d'ici quand ma sœur sera endormie. Il importe qu'elle ne se doute de rien. « Nous avions compris cette nécessité, » dit Frémente. Les deux amis se levèrent. « Messieurs, » leur recommanda Armand, « pas un mot, n'est-ce pas, de cette affaire ?» Il reconduisit ses deux témoins.